Chapitre 2. Pierre Gémozac, l'un des princes de l'industrie du fer, et plusieurs fois millionnaire, demeurait tout près de l'usine où il avait fait fortune, sur les bords peu fleuris du canal Saint-Martin. Il faut dire qu'il habitait un fort bel hôtel, entre cour et jardin, et que le quai de Jemappes n'était pas très loin du centre de Paris, quand on a de bonnes voitures et d'excellents chevaux. Le voisinage bruyant des ateliers avait bien quelques inconvénients. Mais le fracas des marteaux et le ronflement des machines à vapeur étaient doux à l'oreille de ce brave homme, qui avait gagné des millions à construire des locomotives, et qui avait commencé par être ouvrier ajusteur. Il s'était marié tard, et de sa femme, beaucoup mieux née que lui, et beaucoup plus jeune, il n'avait eu qu'un fils, qu'il adorait, quoique ce fils lui donnât plus de soucis que de satisfaction. Julien Gémozac, à 28 ans, n'était encore qu'un élégant oisif, et ne paraissait pas disposé à travailler sérieusement, au grand chagrin du père Gémozac, qui rêvait d'en faire son successeur. Julien était d'un grand cercle et menait la vie à fond de train, jouant gros jeu, pariant très cher aux courses et ne comptant plus ses succès dans le monde des demoiselles faciles. Il avait cependant passé par l'école centrale, et il en était sorti en très bon rang, avec un brevet d'ingénieur civil qu'il espérait bien ne jamais utiliser. Sa mère le gâtait, son père disait pour se consoler « Il faut que jeunesse se passe », mais il trouvait qu'elle ne passait pas vite. En attendant que la raison vînt, il n'exigeait que deux choses. D'abord que Julien habitât la maison paternelle, ensuite qu'il prépare au déjeuner de famille. Et si Julien ne se gênait pas pour découcher, il s'astreignait du moins à ne pas manquer le repas du matin. À midi précis, on se mettait à table chez le grand industriel, et Julien était exact. Il lui arrivait bien quelquefois, après une nuit orageuse, de se montrer avec des traits tirés et les yeux battus, mais il faisait bonne contenance et on lui en savait gré. Son père le chapitrait doucement, et sa mère, qui voulait le marier, lui proposait des héritières qu'il ne refusait pas, mais qu'il évitait de rencontrer. La mort tragique du pauvre Monistrol avait eu un contre-coup dans la maison Gémozac. Un matin, Julien n'avait pas paru au déjeuner, et on avait su qu'il n'était pas rentré depuis la veille. Ses parents, très inquiets, passèrent une triste journée, car ils n'apprirent qu'à 6 heures du soir ce qui lui était arrivé. Indignement lâché par son camarade Freinet, Julien avait dû passer toute la nuit près de Mademoiselle Monistrol, qui se débattait dans les convulsions d'une effroyable crise nerveuse. Et c'était seulement au petit jour qu'il avait pu appeler par la fenêtre des gens qui passaient sur le boulevard Voltaire. La police avertie était venue enfin et avait constaté le crime sans l'expliquer. Camille, aux questions qu'on lui posait, ne répondait que par des propos incohérents. Julien, ne sachant rien ou presque rien, ne pouvait pas éclairer le commissaire, car la scène dans la baraque ne prouvait pas grand-chose contre le clown. Madame Gémozac eut le courage d'aller s'établir le soir même au chevet de la jeune fille, et de la soigner pendant que les gens de justice verbalisaient auprès du cadavre. Une fièvre cérébrale s'était déclarée, et les médecins ne répondaient pas de l'avis de Mademoiselle Monistrol. Il fallut enterrer son père sans qu'elle en eût connaissance, mais Pierre Gémozac et son fils suivirent, à la tête des ouvriers de l'usine, le convoi du malheureux inventeur. Il s'écoula toute une semaine avant que la situation changeât. Camille, entrée en convalescence, restait plongée dans une sorte d'engourdissement qui paralysait ses facultés. Les agents de la sûreté cherchaient le coupable et ne trouvaient rien qui les mît sur la voie. Madame Gémozac avait placé une femme de confiance et une sœur de charité auprès de la jeune malade. Elle allait fréquemment la voir, et elle attendait qu'elle se rétablît pour s'occuper de lui assurer une existence convenable. Julien s'intéressait toujours à sa protégée de la foire au pain d'épices, et il n'avait pas encore pardonné à cet égoïste d'Alfred qui s'était si vilainement dérobé. Mais Julien avait repris peu à peu ses habitudes. Il pensait déjà beaucoup moins à la lugubre aventure de l'orpheline, et il ne songeait guère à découvrir l'insaisissable meurtrier de Monistrol. Le 8e jour, en déjeunant, il demanda, comme il le faisait tous les matins, des nouvelles de Camille, et il apprit que l'avant-veille, elle s'était levée pour la première fois. « Nous la verrons bientôt, » dit Madame Gémozac. « Elle veut absolument venir ici nous remercier. »« Je serai charmé de la recevoir, » ajouta le père Gémozac, « d'abord pour lui exprimer combien je prends part à son malheur, et aussi parce que j'ai de bonnes nouvelles à lui apprendre. L'invention de Monistrol est une fortune. Si l'affaire continue à marcher comme elle marche dès le début, sa fille sera très riche, et en ma qualité d'associé, je gagnerai beaucoup d'argent. Elle peut dès à présent vivre sur un très bon pied, car à la fin de l'année, j'aurai à lui compter une somme très ronde, et en attendant, je lui ferai toutes les avances qu'elle voudra. » « Voilà de quoi la consoler, » dit Julien. Eh bien, je doute qu'elle se console jamais, reprit madame Gémozac. Depuis qu'elle va mieux, je l'ai étudiée, et maintenant, je crois la connaître. C'est un caractère que cette enfant de 20 ans. Elle ne s'inquiète pas de ce qu'elle va devenir. Elle ne parle que de son père, et elle ne pense qu'à venger sa mort. Je crains fort qu'elle n'y réussisse pas. L'instruction se poursuit, mais on n'a aucune donnée précise sur l'assassin. Le clown qu'elle accusait a été interrogé le lendemain, et il a prouvé un alibi. On le confrontera sans doute avec elle, puisqu'elle est maintenant en état de s'expliquer. Mais je parierais volontiers qu'elle ne le reconnaîtra pas. C'est probable, car il paraît qu'elle n'a entrevu que la main du meurtrier. Elle m'a dit cela sans s'expliquer davantage. Ah oui, la main, c'est son idée fixe. Pendant sa première attaque de nerfs, elle criait « Oh, cette main, elle s'approche, elle menace mon père, chassez-la !» Elle avait le délire. Il est vrai que le rapport des médecins déclare que son père a été étranglé par une main énorme, et j'ai moi-même constaté le fait en examinant le corps. Mais ce n'est pas là un indice suffisant. Tous les assassins ont des mains larges comme des battoirs. Te rappelles-tu que dans le temps, on ne parlait que du pouce de Tropman ? À ce moment, un valet de pied entra, et ce n'était pas pour son service, car M. Gémozac tenait à déjeuner en tête-à-tête avec sa femme et son fils, et ses domestiques avaient ordre de ne jamais se montrer sans qu'on les sonne là. « Qu'est-ce que c'est, Jean ? » demanda-t-il en fronçant le sourcil. « Mademoiselle Monistrol désirerait parler à monsieur ou à madame. Je lui ai dit qu'on était à table. » « N'importe, faites-la entrer, » répondit vivement Gémozac. Camille attendait dans l'antichambre. Le valet de pied alla l'y chercher, et lorsqu'elle entra, Julien eut quelque peine à la reconnaître. Il ne l'avait vue que dans le costume qu'elle portait le soir de leur première rencontre, et il l'avait laissée en plein accès de fièvre chaude, les vêtements en désordre, les cheveux défaits, le visage décomposé. Elle se présentait maintenant sous un tout autre aspect, sévèrement habillée de noir, coiffée à l'air de sa figure, et pâlie par la souffrance. Mais cette pâleur rehaussait encore sa beauté, et lui donnait un charme qui frappa vivement le jeune Gémozac. Le père qui la voyait pour la première fois resta tout ébahi, mais madame Gémozac se leva, vint à elle, lui prit affectueusement les mains et la fit asseoir près de son mari, qui ne demandait qu'à la bien accueillir, mais qui ne savait par où commencer. Camille le tira d'embarras en prenant la parole. « Monsieur, dit-elle sans se troubler, il me tardait de vous remercier. Mon pauvre père vous a dû sa dernière joie, et ce n'est pas à vous seul que je dois de la reconnaissance. » La fin de la phrase s'adressait au fils et à la mère, qui se chargea de répondre pour tout le monde. « Ma chère enfant, dit madame Gémozac, vous êtes maintenant de notre famille, et nous n'avons fait que notre devoir. Julien, en vous assistant dans un triste moment, et moi en vous donnant des soins. Mon mari fera le sien, en se chargeant de veiller à vos intérêts et d'administrer votre fortune. Mais vous avez eu tort de sortir aujourd'hui. C'est une imprudence dans l'état de santé où vous êtes. Le médecin me l'a permis, madame. Je suis complètement rétabli. Et la preuve, c'est que j'ai supporté hier, sans fatigue, un long interrogatoire du juge d'instruction. Quoi, il n'a pas craint de vous soumettre à une si pénible épreuve? Il aurait dû attendre au moins quelques jours. C'est moi-même qui suis allé le trouver, et qui l'ai prié de m'entendre. J'ai eu tort, car il n'a tenu aucun compte de mes déclarations. Il me prend pour une folle, ou bien il croit que j'ai rêvé ce que j'ai vu, et il me soupçonne peut-être d'avoir été la complice de l'assassin. Il ne me l'a pas dit, mais j'ai lu sa pensée dans ses yeux. « Alors, c'est lui qui est fou !» s'écria Julien. « Il me reproche d'avoir abandonné mon père pour courir après le misérable qui venait de le tuer. Mais vous ne saviez pas que votre père était mort. J'étais avec vous quand vous l'avez trouvé sur le parquet du salon, et j'ai raconté la scène à ce juge. Il prétend que l'assassin devait être renseigné, car il ne pouvait pas deviner que mon père avait reçu le jour même une grosse somme d'argent. J'espère qu'il ne va pas jusqu'à supposer que c'est vous qui l'avez averti. Ce serait par trop fort. » Il ferait mieux d'arrêter tous les saltimbanques de la foire et de chercher dans le tas. Il a fait relâcher celui que j'avais désigné. Il ne lui manque plus que de m'envoyer en prison, dit amèrement Camille. Ah, s'écria M. Gémozac, c'est pour le coup que j'interviendrai pour attester que vous avez toujours été la fille la plus tendre, la plus dévouée. Il y a longtemps que je connaissais ce brave Monistrol, et il m'a souvent parlé de vous, en me racontant sa vie. C'est vous qui l'avez soutenu dans les longues crises qu'il a traversées. Il n'avait plus que vous, car votre mère était morte en vous mettant au monde. C'est lui qui vous a élevé. Vous ne vous êtes jamais quitté, et c'est pour vous qu'il cherchait la fortune. Il y était arrivé, à force de travail et de persévérance, et il n'a pas eu le bonheur d'en jouir. Mais je suis là, pour le remplacer auprès de sa fille, et je me charge de votre avenir. Je n'aurai pas grand mérite, car vous êtes riche, très riche. Votre part dans l'association que j'ai formée avec Monistrol produira la première année 50 000 francs au moins, et je vais dès à présent vous mettre à même de vivre comme doit vivre la fille et l'héritière de mon associé. Je vous remercie, monsieur. Je désire rester comme je suis. J'ai toujours été pauvre, et je ne me plains pas de mon sort. Mais moi, je suis obligé de vous enrichir malgré vous, car je ne peux pas garder ce qui vous appartient. Et d'ailleurs, comment feriez-vous? Votre père n'a rien laissé que son invention. La maison où il est mort est à moi. C'est tout ce que ma mère avait apporté en dot. Si vous la louiez, elle ne vous rapporterait pas de quoi manger, dit en souriant M. Gémozac. Et vous ne pouvez pas l'habiter seul, reprit madame. Je vais m'occuper de chercher pour vous un appartement dans notre quartier. Il n'est pas très gai, mais nous serons voisins, et nous nous verrons tous les jours. Et si vous le permettez, je trouverai pour vous servir deux femmes sûres. Je vous suis bien reconnaissante, madame, dit doucement Camille, mais j'ai résolu de ne pas quitter la maisonnette où j'ai toujours vécu. Ma vieille nourrice est à Montreuil. Elle consent à demeurer avec moi. C'est tout ce qu'il me faut. Il vous faut bien aussi de l'argent pour vivre, répliqua un peu brusquement l'industriel, qui ne comprenait rien au refus persistant de la jeune fille. Et vous avez chez moi un compte ouvert. M'obligerez-vous à vous faire des offres réelles pour vous forcer à toucher vos revenus? Je vous supplie de les garder et de ne me remettre que ce qui me sera strictement nécessaire, au fur et à mesure de mes besoins. Voilà qui est plus raisonnable, dit le père Gémozac en se frottant les mains. Ainsi, c'est entendu, ma caisse sera à votre disposition, et vous y puiserez comme il vous plaira. Je capitaliserai les sommes que vous y laisserez, et dans un an ou deux, mademoiselle, vous serez un parti superbe. En fait de mari, vous n'aurez qu'à choisir. Je ne veux pas me marier. Pourquoi donc, ma chère enfant? Demanda madame Gémozac. Parce que j'ai une mission à remplir. Une mission? Oui, je veux venger mon père. Puisque la justice est impuissante, je ferai ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire. Je découvrirai l'assassin, je le traînerai devant elle, et nous verrons alors si elle refusera de m'écouter quand je lui dirai « le voilà ». Et vous espérez à vous seul retrouver ce scélérat? Qui ne vous a même pas montré son visage, m'a dit mon fils. Je le retrouverai, j'en suis sûr. Dieu ne permettra pas qu'il m'échappe, comme il a échappé à ceux qui l'ont si mal cherché. Je le poursuivrai, s'il le faut, jusqu'au bout de la terre. Rien ne me rebutera, et si je meurs à la peine... Ne parlez pas de mourir à l'âge où il est si doux de vivre. Laissez le temps calmer votre douleur légitime, et oubliez le passé pour songer à l'avenir. Rien n'est éternel en ce monde, ma chère Camille. Un jour viendra où vous serez aimé par un homme digne de vous, et où vous l'aimerez. Nous autres femmes, nous sommes nées pour être épouses et mères. Vous parlez de mission, la nôtre est de faire le bonheur de notre mari et d'élever nos enfants. Je le sais, madame, mais si jamais je me marie, ce sera avec celui qui me livrera le meurtrier de mon père. Prenez garde, mademoiselle, dit gaiement Monsieur Gémozac, qui ne jugeait pas sérieuses les résolutions de la jeune fille. Si vous persistiez à ne vouloir épouser que l'homme qui arrêtera ce brigand, vous seriez peut-être obligé d'épouser un agent de police. « Non, répondit Camille d'un ton ferme, un agent de police ne ferait que son métier en arrêtant un assassin, et je n'aurais pas à lui savoir gré de l'avoir fait. Je parle de celui qui, par dévouement, par sympathie pour moi, me seconderait dans ma tâche. À celui-là, s'il atteignait le but, je ne marchanderais pas la récompense. Ma foi, reprit en riant l'industriel, si j'étais plus jeune, j'essaierais de mériter le prix que vous promettez. Et à cette condition-là, bien des gens s'estimeront trop heureux de vous servir. » Julien ne releva pas ce propos encourageant, mais sa mère lut dans ses yeux qu'il ne lui déplairait pas de se mettre sur les rangs. Et de fait, sans être déjà amoureux de mademoiselle Monistrol, Julien se disait qu'il serait beau de conquérir la main de la jeune associée de son père. Ce n'était pas la fortune qui le tenait, car il était assez riche pour deux, mais Camille était charmante, et l'imprévu l'attirait. Le désœuvrement commençait à lui peser, et il se sentait tout disposé à se lancer dans des aventures un peu moins banales. Des aventures où il y aurait des dangers à courir. L'occasion était bonne pour couper court à une vie de plaisir qu'il ne l'amusait plus, parce qu'il en avait abusé. On se lasse de tout, et comme un officier qui s'ennuie dans une bonne garnison, il brûlait du désir d'entrer en campagne. La question était de savoir si mademoiselle Monistrol l'agréerait pour allier. Et quoique la timidité ne fût pas son défaut, il n'osait pas se proposer, de peur qu'elle ne refusât. « Ma chère Camille, dit madame Gémozac, j'admire votre énergie. » Mais je me demande comment vous vous y prendrez pour en venir à vos fins. Je n'en sais rien encore. Dieu m'inspirera. Mais du moins, vous ne cesserez pas de nous voir. Non, madame, seulement je vous prierai de me laisser ma liberté tout entière. Il faut que je puisse aller et venir à ma fantaisie. Je serai peut-être obligé de quitter Paris, momentanément. Bon, s'écria Gémozac, l'argent est le nerf de la guerre et des voyages. Donc vous allez me faire le plaisir de passer à la caisse aujourd'hui même. Ou plutôt non, ce n'est pas la peine. Mon caissier va vous apporter 5 000 francs. Est-ce assez pour commencer ? Beaucoup trop, monsieur.